J'ai fait une conférence. Dans un thème plutôt psychologique. Et aujourd'hui, la conférence sera dans un thème je sais pas comment on appelle ça. La conférence aujourd'hui, je l'intitule la démystification de la conscience. Quand on parle de conscience, quand on est dans un corps matériel et qu'on parle de conscience, la conscience dont on parle est plutôt une conscience psychologique. C'est-à-dire que c'est plutôt une conscience qui relève de nos pensées, de nos émotions, du matériel social, du matériel culturel, du matériel de notre civilisation. Quand on parle de conscience altérée ou de conscience extracorporelle, on peut parler de conscience astrale, on peut parler de conscience mentale, on peut parler de conscience supramentale. Et si j'intitule la conférence comme étant une conférence qui essaie ou qui veut ou qui se donne comme objet de démystifier la conscience, ce n'est pas la démystification de la conscience psychologique. C'est plutôt au niveau de la démystification de la conscience astrale. L'homme, un jour, l'homme, demain, ne vivra pas seulement au niveau de sa conscience psychologique. Sa conscience psychologique sera une conscience qui le servira sur le plan matériel, dans son corps matériel, mais l'homme vivra énormément dans une conscience extracorporelle. Et comme l'homme vivra dans une conscience extracorporelle, il doit être avisé des lois de cette conscience extracorporelle, comme on peut l'aviser des lois de la conscience psychologique, comme je l'ai fait dans le passé. Les étapes de l'évolution visant à établir un ordre chronologique dans l'éclosion de ces différentes consciences se fait petit à petit, au fur et à mesure que chaque niveau de conscience s'ajuste et se perfectionne. Nous avons commencé l'instruction au niveau de la conscience psychologique pour permettre à l'homme d'abord de vivre sur le plan matériel selon des lois d'harmonie de plus en plus perfectionnées en relation avec son mental et son émotionnel. Et nous devons maintenant commencer à expliquer les lois de la conscience extracorporelle qui devient, ou dont la connaissance ou la compréhension deviendra nécessaire au fur et à mesure que se perfectionne la conscience psychologique et dont le perfectionnement permettra ou donnera naissance à une conscience extracorporelle plus stable et plus précise et plus intelligente. Et comme je sais que l'homme, d'ici à une quinzaine d'années, commencera à vivre énormément au niveau de la conscience extracorporelle, et que l'homme commencera à travailler dans la conscience extracorporelle autant qu'il travaille aujourd'hui dans la conscience psychologique, il est évident que les lois de l'évolution, les lois du perfectionnement de cette conscience extracorporelle soient élucidées pour que l'homme passe du stage de la conscience extracorporelle inconsciente à la conscience extracorporelle consciente à la conscience extracorporelle intelligente. Alors, je vous donne un exemple pour ceux qui ne le reconnaissent pas de la conscience extracorporelle inconsciente, le rêve. Quand l'homme rêve, il vit une conscience extracorporelle inconsciente. Un peu comme l'homme inconscient sur le plan matériel vit une conscience psychologique inconsciente. Et la différence entre la conscience psychologique inconsciente de l'homme et la conscience psychologique consciente de l'homme, autant la différence elle est grande, autant la différence elle est grande entre la conscience extracorporelle inconsciente et la conscience extracorporelle consciente. Il y a des hommes, tous les hommes vivent une conscience extracorporelle inconsciente et c'est ce qui les amène à dire des fois, bon, moi je rêve peut-être, mais je m'en rappelle plus. Ensuite vient un temps où les gens commencent à rêver un petit peu plus, alors les gens commencent à prendre conscience plus qu'ils rêvent, et là ils commencent à développer une sorte de période de transition entre la période de conscience extracorporelle inconsciente et la conscience extracorporelle consciente, mais éventuellement ils en arrivent à vivre des étapes de plus en plus longues de conscience extracorporelle consciente. Et lorsqu'ils vivent, et ça c'est le point où je veux commencer, et lorsqu'ils sont arrivés à vivre la conscience extracorporelle consciente, ils disent dans leurs mots qu'ils ont accès au plan astral et qu'ils vont dans le plan astral ou ils ont des expériences dans le plan astral, qu'ils rencontrent des gens dans le plan astral, qu'ils rencontrent des maîtres dans le plan astral ou qu'ils font des travaux dans le plan astral. Mais malheureusement, les gens ont l'impression que la conscience extracorporelle consciente astrale est une conscience extracorporelle intelligente. Et c'est ici que je veux commencer à expliquer la démystification de la conscience sur ce plan-là. L'homme découvrira au fur et à mesure que se perfectionnent ses corps que la conscience extracorporelle est plus présente dans son expérience de vie que la conscience corporelle psychologique. Ce que je veux dire, c'est que viendra un jour où l'homme vivra plus en dehors de son corps qu'à l'intérieur de son corps. Alors, autant l'homme aujourd'hui vit à l'intérieur de son corps qu'il vit une expérience psychologique ou qu'il connaît une conscience psychologique qui dure 16 heures par jour, qu'elle soit consciente ou inconsciente, viendra le jour où, à cause du perfectionnement des corps, à cause de l'évolution de la conscience psychologique, le processus normal de l'évolution amènera ces gens à vivre de plus en plus dans une conscience extracorporelle. Parce que c'est dans la conscience extracorporelle que l'homme commencera à découvrir les pouvoirs qui sont en lui. Mais avant que l'homme découvre les pouvoirs qui sont en lui, il doit vivre des étapes. Il doit comprendre les illusions de la conscience extracorporelle consciente. Un peu comme il a été obligé de comprendre les illusions de sa conscience psychologique consciente. Il n'y a aucune condition universelle dans l'homme qui puisse être comprise universellement, parfaitement. Si l'homme n'a pas dans sa conscience, qu'elle soit corporelle ou extracorporelle, de l'intelligence. Pour que l'homme ait une conscience corporelle ou extracorporelle intelligente, il doit avoir une communication avec lui-même. C'est-à-dire que il doit y avoir en lui un centre d'intelligence suffisamment puissant qui puisse à tous les instants de sa vie, corporelle ou extracorporelle, lui indiquer les lois de la vie sur le plan où il est. Et quand je dis que l'homme doit avoir un centre d'intelligence en lui suffisamment puissant pour lui indiquer le chemin de la vie ou les lois de la vie sur le plan où il se trouve, je veux dire deux choses. Je veux dire que l'homme, que le centre d'intelligence dans l'homme doit être suffisamment puissant pour que l'homme, l'individu, ne puisse pas se servir de ses pensées personnelles. Je vous donne un exemple technique. En Europe, il y a une émission, il y a un centre de radiophonie que nous appelons Radio Amérique. Ce centre de radiophonie est tellement puissant qu'il parvient à pénétrer dans les maisons, dans les domiciles européens, malgré les petites stations. Et si nous prenons la comparaison des petites stations européennes versus ce centre européen d'émission mondiale, le centre, et que nous établissons la comparaison pour expliquer la situation de l'homme, les pensées de l'homme font partie des petites stations de radio, et le centre d'intelligence de l'homme fait partie de Radio Amérique. De sorte que nous disons que l'homme devient intelligent non pas lorsqu'il reçoit des petites stations, mais lorsque la grosse station réussit à percer l'éther de l'autre et d'alimenter le radio à domicile. L'homme devra un jour en arriver à ne plus avoir besoin, à ne plus pouvoir se servir de ses pensées personnelles. Parce que lorsqu'il n'aura plus le pouvoir de se servir de ses pensées personnelles, ceci veut dire que son corps mental supérieur sera suffisamment développé pour brouiller complètement le matériel de diffusion qui puisse émaner de son corps mental inférieur. Et tant que l'homme n'aura pas atteint ce stade où il ne sera plus capable de se servir de ses pensées personnelles contre la haute radiation des pensées créatives venant d'un centre universel qui est connecté à lui sur un plan supérieur de sa conscience, l'homme n'aura aucune sécurité, ni sur le plan matériel, ni à l'intérieur de la conscience ou de l'inconscience corporelle, et ni à l'intérieur de la conscience ou de l'inconscience astrale. Pour deux raisons. C'est que la conscience de l'homme, ou l'inconscience, ne parlons pas d'inconscience de l'homme, puisque nous parlons à des gens qui vont vers la conscience. Nous parlerons de la conscience de l'homme. La conscience de l'homme sur le plan matériel, comme la conscience de l'homme sur le plan astral. La conscience de l'homme, ou la conscientisation de l'homme, veut dire deux choses. Elle veut dire que l'homme commence à réaliser plus loin que ce qu'il réalisait, pas plus. Devenir conscient, ça veut dire réaliser plus loin que ce que l'on réalisait avant, c'est-à-dire être outillé d'une façon un peu plus perfectionnée que par le passé, ni plus, ni moins. Et plus l'homme avance dans la conscience, plus il a de choses à apprendre. Plus l'homme avance dans la conscience, plus il a de choses à apprendre, parce que la conscience, elle est plus vaste que l'inconscience. L'inconscience se termine, se vulgarise, se rétrécit, et peut se rétrécir à un tel point que l'homme peut vivre dans son inconscience pourvu que sa job, sa femme, qu'il fasse l'amour, que sa télévision, sa bouteille d'or, sa bouteille de Molson, sa game d'hockey en fin de semaine. Il y a des gens qui vivent à ce niveau-là. Ils sont contents, ils sont bien. C'est leur inconscience. Mais la conscience, c'est un peu comme un, comment on appelle en anglais, un funnel. Ça peut être très, très étroit. Un entonnoir. Ça peut être très étroit à la base et ça peut devenir très large en haut. Et lorsque l'homme commence à entrer dans les parties plus larges de l'entonnoir, qu'il commence à entrer dans la conscience, il a plus de choses à apprendre au niveau de la conscience qu'il en avait au niveau de l'inconscience. Mais il se produit un phénomène étrange chez l'homme. C'est que lorsque l'homme commence à prendre conscience, il commence à avoir l'impression qu'il en sait plus qu'avant. Lorsqu'en fait, c'est pas qu'il en sait plus qu'avant, mais c'est qu'il comprend plus ce qu'il a vécu avant, mais ne réalise pas ce dont en quoi il est embarqué. Et comme il ne réalise pas ce dont en quoi il est embarqué, il ne peut pas prendre la mesure véritable et infinie de cette conscience qui n'a plus de fin. Et à un certain moment, quelqu'un doit venir et lui dire, « Mais écoute, mon bon bonhomme, tu es conscient, tu as réalisé des choses, mais les choses que tu as réalisées sont simplement des conditions te permettant de comprendre d'autres choses. Les choses que tu as réalisées ne sont pas une fin en soi, pas plus que ta conscience inconsciente était une fin en elle-même. Ta conscience plus consciente d'aujourd'hui est un tremplin qui doit t'amener éventuellement à entrer dans l'intelligence de ta conscience. Et pour que l'homme entre dans l'intelligence de sa conscience, au lieu d'être simplement dans la conscience de son intelligence, il doit éventuellement pouvoir ne plus se servir de ses pensées, c'est-à-dire être suffisamment prêt d'un autre plan d'énergie en lui, qui est la conscience supramentale, suffisamment prêt pour commencer à réaliser que ses pensées, tant qu'elles existent, sont un réseau d'énergie en lui qui lui donne conscience, mais qui ne peuvent pas lui donner l'intelligence de sa conscience. C'est-à-dire que qui ne peuvent pas le protéger lorsqu'il sera dans la conscience extracorporelle. Sur le plan matériel, dans la vie matérielle, les limites de la conscience sont suffisamment rigides pour que l'homme conscient puisse vivre une vie à l'aise, sans trop de danger. Mais lorsque vient un moment où, sans son effort personnel, sans son désir personnel, sans aucune action de sa part, sans aucune manœuvre de sa part, il se retrouve dans une conscience extracorporelle. Il s'aperçoit que cette conscience extracorporelle comporte aussi des lois, que cette conscience extracorporelle possède ses illusions, comme sa conscience corporelle, et qu'il doit un jour avoir l'intelligence dans cette conscience extracorporelle, comme il doit l'avoir sur le plan matériel dans sa conscience corporelle. Et si nous réalisons que l'homme demain, autant l'homme demain vit 16 heures par jour dans une conscience corporelle et dort, demain l'homme vivra 4 heures par jour dans la conscience corporelle et vivra 20 heures par jour dans une conscience extracorporelle. Alors, si l'homme est dans une conscience extracorporelle pendant 20 heures par jour en 1995, en l'an 2000, c'est évident qu'il commence à être temps dans ce temps-là qu'il commence à comprendre qu'est-ce que c'est la conscience extracorporelle. Parce que c'est plus la conscience corporelle qui va être importante dans ce temps-là, ça va être la conscience extracorporelle. Moi, je vous parle plusieurs années d'avance, mais il faut que je le fasse. Parce que le temps, ça ne s'arrête pas, et l'évolution, comme vous le savez, ça ne s'arrête pas, et ça continue, et ça continue. La démystification de la conscience Je l'ai faite sur le plan corporel, jusqu'à un certain point. Et la démystification sur le plan astral, elle est extrêmement importante. Elle est peut-être plus abstraite pour la plupart des gens aujourd'hui, mais elle deviendra concrète parce que quand je commence à parler de quelque chose, les gens commencent à vivre d'autres choses. La relation entre l'homme sur le plan matériel et l'homme sur le plan astral et l'homme sur le plan mental est une relation absolue. C'est-à-dire que la relativité entre la matière et la conscience extracorporelle, elle est absolue. Ce que l'homme ne réalise pas, c'est que la relativité entre la conscience extracorporelle astrale, qui est la plus basse, et la conscience extracorporelle mentale, qui convient au plan éthérique, est aussi absolue. Et un jour, l'homme devra reconnaître, sera forcé de reconnaître qu'il ne peut pas passer de la conscience astrale extracorporelle à la conscience mentale éthérique extracorporelle sans intelligence. Si l'homme n'est pas capable, sur le plan matériel, à l'intérieur de sa conscience corporelle, de voir les illusions de sa conscience psychologique, sans qu'il soit aidé, imaginez-vous que l'homme, dans la conscience extracorporelle, qui est au-delà de la conscience du rêve, ne peut pas passer à travers cette conscience et les conditions illusionnistiques de cette conscience, sans qu'il soit aidé. Sur le plan de la conscience corporelle, l'homme peut être aidé par un homme, il peut être aidé par une philosophie, quelque chose. Il peut être aidé par un homme ou des hommes. Mais dans le monde de la conscience extracorporelle, l'homme ne peut pas être aidé par un homme. Il ne peut être aidé que par son centre d'intelligence. Et ceci veut dire deux choses. Ceci veut dire que l'homme qui commence à vivre la conscience extracorporelle, au début, il la vivra d'une façon inconsciente, mais à un certain moment, il la vivra d'une façon plus consciente. Et à un certain moment, il la vivra d'une façon intelligente, c'est-à-dire qu'il verra l'illusion de son expérience de conscience extracorporelle consciente qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et l'illusion, lorsque l'homme verra l'illusion de la conscience extracorporelle consciente, il s'apercevra d'une chose. Il s'apercevra que l'éther est un monde plus réel, plus important que le plan matériel. Et il commencera à travailler dans cet éther-là. Sa vie, la majorité des heures de sa vie, sera vécue dans cet éther-là. Il est évident que l'homme rendu à ce point-là ne vivra plus en société. Rendu à ce point-là, l'homme ne vivra plus en ville. Les hommes qui vivront cette conscience extracorporelle intelligente vivront dans un endroit très retiré de la planète. Mais quand je parle de démystification de la conscience, je veux dire que la démystification de la conscience est une réalisation constante de l'impuissance de l'homme vis-à-vis la nature. Et quand je parle de nature, je parle de tout ce qui permet à l'homme de se réaliser, soit sur le plan matériel ou sur le plan astral ou sur le plan mental. La nature, pour moi, elle existe sur le plan physique, comme elle existe sur le plan astral, comme elle existe sur le plan mental. Et si l'homme est impuissant devant la nature, ça veut dire que l'homme n'est pas dans l'intelligence. Ça veut dire que l'homme est assujetti à sa conscience corporelle ou extracorporelle, et que le beacon, le phare, Le centre d'énergie de son intelligence qui est entre ses deux yeux n'est pas suffisamment puissant pour lui donner libre conception de la réalité. Et si l'homme n'est pas capable d'avoir libre conception de la réalité, il n'est pas capable d'être libre sur les plans plus subtils de sa conscience. Et il se produit un phénomène. C'est que pour que l'homme soit libre dans la matière, il faut qu'il soit libre dans l'astral. Et pour qu'il soit libre dans l'astral, il faut qu'il soit libre dans le mental. Autrement dit, la liberté de l'homme est directement proportionnelle à sa capacité d'être libre dans sa conscience extracorporelle. Pour qu'il puisse être libre dans sa conscience corporelle. Alors, vous vous imaginez que l'homme a un chemin très long à faire, parce que l'évolution vers la conscientisation ou l'intelligence, ou le développement de l'intelligence de sa conscience extracorporelle n'est pas encore arrivé. La plupart des hommes vivent aujourd'hui au niveau de leur conscience corporelle, la job, la santé, la famille, les ci, les ça. Mais vient le temps, et le temps, c'est le temps de chaque individu, vient le temps où l'homme va commencer à réaliser qu'il se produit énormément de choses au niveau d'une conscience supérieure, et qu'éventuellement, le lien doit être fait entre la conscience corporelle, la conscience astrale et la conscience mentale. L'homme ne pourra pas vivre éventuellement trop longtemps après avoir subi pendant des années des changements vibratoires, ne pourra pas vivre pendant très longtemps compartimenté. Là, aujourd'hui, vous êtes compartimenté, vous vivez le jour, vous dormez la nuit. Mais un jour, votre vie de jour doit être une continuité de votre vie de nuit, et votre vie de nuit doit être une continuité d'une autre vie dans la nuit qui est intelligente, pour que vous puissiez bénéficier constamment du courant d'énergie qui part du mental supérieur et qui alimente le mental et l'astral et le physique. Il y a des gens des fois qui viennent me voir et qui disent « Ça va-tu être long, mon affaire? Je n'ai-tu pas longtemps? Quand est-ce que je vais être conscient? » Je suis à bonne voie. Je devrais-tu faire ci, je devrais-tu faire ça? C'est-tu bon que je lise tel livre? J'avance-tu, M. Bernard? Je me retourne de bord et je m'en vais. Parce que ces gens sont encore au stage de la conscience spirituelle. Et dans la conscience spirituelle, il n'y a aucune intelligence. Il y a simplement des sentiments spirituels. Et lorsque l'homme commence à rentrer dans l'intelligence, il est plus intéressé à savoir si c'est à la bonne voie, s'il y a le bon autobus. Il est intéressé simplement à respirer. C'est assez dur, respirer. Et quand il commence à aller dans la conscience extracorporelle, c'est encore pire. Parce que dans la conscience extracorporelle, lorsqu'elle se développe pour passer du stage du rêve au stage de la conscience consciente, au stage de l'intelligence dans la conscience, ce que ça fait dans l'homme, ceci, cette expérience, ce que ça crée dans sa conscience corporelle, c'est un choc. Et il y a des gens parmi vous dans les mois qui vont venir qui vont subir le choc de l'intelligence de la conscience extracorporelle, et ce choc va changer la vibration de votre corps astral. et va changer votre attitude psychologique ou l'attitude psychologique de votre conscience psychologique sur le plan matériel. Et il y en a, laissez-moi vous dire, qui vont trouver ça très difficile. Parce qu'il y en a qui ne réalisent pas encore que la conscience extracorporelle, même si elle est très consciente, ne fait pas partie de l'intelligence cosmique. Elle fait partie d'un mouvement de l'énergie de la conscience dans l'homme par des voies qui sont totalement liées au monde de la forme et ses voix, ses expériences, quelles que soient ces expériences, même si elles sont éblouissantes en sagesse, ne renferment pas d'intelligence. Et les hommes qui vont réaliser ceci, ce sont les plus avancés qui vont réaliser ceci. Ceux qui vont réaliser ceci vont comprendre deux choses. Que l'avenir de la sixième race de l'homme, ou leur propre avenir personnel, est directement lié à leur capacité de comprendre la différence entre la conscience extracorporelle astrale consciente et la conscience extracorporelle astrale intelligente. Et la compréhension de cette différence entre ces deux consciences-là sera le point, le lien entre le mortel et l'immortel. Autrement dit, ce qui permettra à certains parmi vous d'atteindre éventuellement le stage de l'immortalité, c'est-à-dire le stage où le mental, où le monde de l'énergie et de l'intelligence contrôle les plans inférieurs, ces gens-là auront compris, auront vécu dans leur expérience la connexion entre l'intelligence pure et la conscience extracorporelle, consciente, astrale. Ils l'auront compris. Et ceux qui l'auront compris parce que leur niveau d'évolution leur permet de le comprendre. Ceux qui ne le comprendront pas, ne le comprendront pas parce que leur niveau d'évolution ne leur permettra pas de le comprendre parce qu'ils n'auront pas les corps subtils suffisamment développés pour le comprendre. Alors, c'est inutile pour nous, les hommes, de nous demander si on est assez évolué ou non, ou si on s'en va dans la bonne direction. C'est sans importance. Parce que ceux qui sont suffisamment évolués, c'est-à-dire que ceux qui ont suffisamment d'énergie condensée dans le mental supérieur, ceux dont les principes inférieurs auront été suffisamment perfectionnés par les souffrances de la transmutation, feront éventuellement la connexion. Elle se fera automatiquement la connexion. La raison pour laquelle je parle de démystification, ou je veux parler de démystification de la conscience, c'est pour faire comprendre à l'homme que le phénomène de la conscience, le mot conscience ne veut rien dire. Le mot conscience est simplement un mot qui véhicule à l'homme une impression de sagesse. Le mot conscience ne véhicule pas à l'homme l'intelligence. Le mot conscience véhicule à l'homme l'impression d'une sagesse quelconque qui convient à sa conscience corporelle ou à sa conscience extracorporelle. Mais ce n'est pas assez d'être conscient. Parce que être conscient nous donne l'impression d'être conscient. Et l'homme ne doit pas avoir l'impression d'être conscient. Il doit éventuellement être dans l'énergie de l'intelligence. Et quand un homme est dans l'énergie de l'intelligence, il n'a plus l'impression d'être conscient. il est. Un point, c'est tout. Et pour qu'il soit, il faut que sa conscience psychologique corporelle convienne à sa conscience extracorporelle sur le plan astral comme sur le plan mental. Être veut dire que l'énergie descend du plan mental au plan astral, au plan physique. Tandis que être conscient veut dire que l'énergie descend au plan mental et qu'elle reste là. Elle n'attaque pas, elle ne contrôle pas le plan astral ni le plan vital ou physique. Et ceci est extrêmement important. Parce que l'énergie de l'intelligence doit contrôler tous les plans de l'homme. Elle doit contrôler le mental et elle doit contrôler l'astral. Et quand je dis qu'elle doit contrôler l'astral, je veux dire que lorsque l'homme est sur le plan astral, dans une conscience extracorporelle, cette intelligence-là doit être présente dans l'astral. Mais si dans la conscience psychologique de tous les jours, cette énergie ne contrôle pas l'astral dans la conscience corporelle, elle ne sera pas présente dans l'astral lorsque l'homme vivra sa conscience d'une façon extracorporelle. Je veux dire autrement dit qu'il ne doit pas y avoir de différence entre l'homme qui est éveillé dans son corps matériel et l'homme qui est conscient, endormi dans son corps matériel ou à l'extérieur de son corps matériel. L'intelligence doit être présente dans les deux cas. Et pour qu'elle soit présente dans les deux cas, il faut que la connexion soit faite entre l'homme et l'intelligence pure par le biais du mental et par le biais de l'émotion. Mais la plupart des gens ont un contact sur le plan mental. La plupart des gens vivent la connexion vibratoire entre le mental et eux, et c'est pourquoi les gens vivent ou connaissent ce qu'on appelle le relais télépathique. Les gens ont des communications. Et le phénomène de communication, c'est le phénomène de la liaison entre l'intelligence et le mental. Mais ce que les hommes ne réalisent pas, c'est que le phénomène d'intelligence entre l'homme et l'énergie et le mental est conditionné par son corps astral. Et tant que l'énergie n'a pas de contrôle sur le plan vibratoire astral de l'homme, la communication entre le mental et l'énergie n'est pas parfaite. C'est-à-dire que l'homme n'est pas dans l'intelligence de sa conscience. Il est dans la conscience de son intelligence. Et c'est le phénomène d'être dans la conscience de son intelligence qui crée dans le monde entier, surtout dans les cercles ésotériques, l'immense impression de vivre une expérience qui est valable ou de vivre une expérience qui est bonne ou de vivre une expérience qui donne de l'information ou de vivre une expérience qui nous permet de nous acheminer dans telle ou telle direction. Et ça peut aller très loin, ceci. Je vous cite l'exemple du type là, qui a annoncé dans les journaux que le Christ est censé être aux Nations Unies au mois de juin. Il y en a qui vont me demander, mais ils vont dire, mais comment l'intelligence peut-elle contrôler, être en relation vibratoire avec le plan mental et le plan astral? Et je dois vous répondre que plus vos corps subtils se perfectionnent, plus cette connexion se fait. Mais il y a une condition subtile. C'est que pour que la connexion se fasse entre le plan mental et le corps astral, l'homme doit souffrir. Alors, il y a deux sortes d'hommes sur la Terre. Il y en a qui ne souffriront pas trop, c'est-à-dire que la connexion va se faire entre le mental et l'énergie. Il y en a d'autres qui vont souffrir un petit peu plus parce que la connexion va se faire entre le mental et l'astral, plexus solaire. Et il y en a d'autres qui vont souffrir un petit peu plus, la connexion va se faire entre le mental, l'astral et le corps éthérique. Le corps vital. Et il y en a d'autres qui vont souffrir un petit peu plus encore parce que la connexion va se faire entre le mental, l'astral, le corps vital et le corps physique. Alors, si les gens ont une communication ou une connexion énergétique d'intelligence à leur mental, et que le corps astral n'est pas assujetti à cette énergie, il n'y a pas pour ces hommes de possibilité de réaliser l'intelligence de leur conscience. Ils n'ont que la possibilité de réaliser la conscience de leur intelligence. Ça, c'est sur le plan corporel. Si ces gens-là vont sur les plans subtils, s'ils vont dans la conscience astrale, s'ils vont dans la conscience extra, s'ils vivent la conscience extracorporelle éventuellement, ils devront réaliser que la même loi s'applique là. Autant l'homme doit être mentalement et émotivement conscient dans le jeu ou dans les relais de l'intelligence sur le plan matériel, autant sur le plan astral, l'homme doit être intelligent dans le mental et dans sa conscience astrale. Sans ça, il n'y a aucune issue pour cet homme. Parce que les lois de ces mondes, les lois de cette conscience extracorporelle sont totalement fermées à l'homme. Il faut que l'homme puisse être dans son intelligence, c'est-à-dire être en relais intelligent avec des intelligences qui sont en dehors de ces mondes-là, pour savoir exactement quoi faire, pour comprendre exactement quoi faire dans ces mondes-là pour en sortir, et non pour y demeurer parce qu'ils sont à l'aise. Il ne s'agit pas à l'homme d'être à l'aise dans le plan astral. Un homme qui est moindrement conscient ne peut pas être à l'aise dans le plan astral, parce que le plan astral, c'est un plan qui est totalement instable, et c'est un plan sur lequel l'homme n'a pas de contrôle. Pour que l'homme ait le contrôle dans le plan astral, il lui faut absolument une connexion avec les circuits universels qui sont en dehors de ces plans-là. Il faut que l'homme puisse absolument parler, communiquer comme il le fait quand il est dans sa conscience corporelle. Il ne faut pas qu'il y ait de différence dans sa conscience quand il dort, de sa conscience quand il est éveillé. S'il y a une différence, à ce moment-là, cet homme est sous la juridiction de ses lois de conscience extracorporelle astrale et il ne peut pas faire la connexion ou la pénétration de l'éther. Revenons sur le plan physique. Le phénomène de mystification de la conscience humaine, ou la mystification ou la mystique de la conscience humaine, provient du fait que les hommes vivent des impressions qu'ils ont dans leur mental, qu'on appelle des pensées. Ou les hommes vivent des impressions qu'ils ont sur le plan émotionnel, qu'on appelle des émotions. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est que les impressions dont ils vivent, qui font partie de leur conscience en évolution, bien que cette conscience ou ces impressions changent au fur et à mesure que le temps avance et que la conscience automatiquement change, l'intelligence ne peut jamais être en fonction des impressions que l'homme reçoit dans son mental. Et ceci a une conséquence extrêmement précise, c'est que l'homme dans son mental qui reçoit des impressions ne peut jamais être parfaitement assuré que ces impressions coïncident avec son bénéfice réel, c'est-à-dire avec son énergie vitale, c'est-à-dire avec son intérêt vital. Parce que les impressions qui viendront à lui par le mental, si ces impressions ne sont pas directement liées à l'intelligence, lui serviront de support spirituel astral, lui serviront de support psychologique. Et l'homme n'a pas besoin de support psychologique. Mais pour qu'un homme vive sans support psychologique, ça veut dire qu'il est obligé de vivre sa vie sans le soutien émotionnel, des impressions qui se logent dans son mental, qu'on appelle des pensées. Et l'homme doit vivre sans le soutien mental de ses émotions. Autrement dit, l'homme doit vivre dans un vide psychologique qui est effectivement une conscience corporelle supérieure. Et le même jeu doit se reconstituer sur les plans de la conscience extracorporelle qu'il vit à un certain niveau lorsqu'il passe du rêve inconscient à la conscience astrale pour en arriver éventuellement dans l'intelligence de la conscience astrale pour pouvoir, s'il veut, sortir de cette conscience astrale et rentrer dans la conscience du monde mental. Alors l'homme, la conscience de l'homme doit être constamment démystifiée, c'est-à-dire que l'homme doit être rappelé constamment que la conscience qu'il a sur le plan matériel ne lui convient pas. Que la conscience qu'il a sur le plan matériel est simplement un support psychologique temporaire selon la nature de ses émotions pour l'empêcher de craquer. Et qu'un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, au fur et à mesure que l'évolution se fait, et que ce support psychologique lui est enlevé, que l'homme puisse vivre non plus en fonction d'un support psychologique dans la conscience corporelle, mais vivre dans la conscience extracorporelle. Qu'est-ce qui va permettre un jour à l'homme de vivre plus longtemps en dehors de son corps que dans son corps? C'est quoi? C'est le fait que dans ce temps-là, l'homme n'aura plus de support dans sa conscience psychologique corporelle. Autrement dit, en simple mot, ce que je veux dire, c'est que plus les hommes vivront d'impressions mentales et d'émotions dans leur conscience psychologique corporelle, plus il sera long pour eux de vivre dans la conscience extracorporelle demain. Autrement dit encore, plus l'homme vit le vide aujourd'hui dans sa conscience corporelle, autrement dit, moins il y a d'ego aujourd'hui dans sa conscience corporelle, plus il y a en lui de possibilités d'atteindre éventuellement, de développer éventuellement ou de vivre éventuellement la conscience extracorporelle qui sera la conscience de l'homme de la sixième race. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que l'homme doit être dans sa conscience corporelle pour faire fonctionner son corps physique. Un corps physique peut se tenir en vie très bien lorsque l'homme est totalement en dehors de ce corps-là. Un corps physique peut être manipulé par la conscience de l'homme à distance. De la même façon que le corps physique peut être manipulé à distance par l'homme, à l'intérieur des lois universelles. De la même façon, le corps mental de l'homme, le corps astral de l'homme, le corps éthérique de l'homme, peut être manipulé à distance, sans que l'homme en soi prisonnier. Alors, ceci veut dire que l'homme est divisé en 4 compartiments. Il y a un corps physique, il y a un corps vital, il y a un corps physique, il y a un corps éthérique, il y a un corps astral, il y a un corps mental. Pour le moment, l'homme vit dans le corps physique et le corps astral, le corps mental et le corps éthérique sont le support de ce corps physique-là, ce qui donne à l'homme sa conscience psychologique corporelle. Éliminer le corps physique, il reste à l'homme simplement le corps astral, le corps éthérique, le corps mental, qui donne à l'homme une conscience autre. Si l'homme est dans la conscience astrale, il a une conscience astrale extracorporelle. S'il est dans la conscience éthérique, il a une conscience éthérique extracorporelle. S'il est dans le plan mental, il a une conscience mentale extracorporelle. Mais l'homme doit être, et ce point est important pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans ces choses, le point est que l'homme, un jour, doit être capable de sortir de tous ses corps. Il doit être capable de sortir de son corps matériel, il doit être capable de sortir de son corps éthérique, il doit être capable de sortir de son corps astral, il doit être capable de sortir de son corps mental. Ceci veut dire quoi? Le corps physique, le corps astral, le corps mental et le corps éthérique, ce n'est pas les mêmes corps. Le corps physique, c'est un corps qui est très limité par la distance entre les structures moléculaires. Alors, le corps physique, c'est un corps qui est très, très lourd, qui a un espace spatial extrêmement limité. Mais le corps éthérique, puis le corps astral, puis le corps mental, c'est pas pareil. Et plus l'homme se véhicule dans un corps subtil, plus le corps subtil est large. Et plus les frontières de ce corps subtil-là sont délicates à voir. C'est facile de sortir de son corps physique. Les limites des relations de conscience entre la conscience de l'homme et la conscience du corps sont évidentes. Quand tu sors de ton corps physique, tu le sais. Tu regardes, il est là, tu es étendu sur ton lit, tu es au plafond. Tu sais que tu es en dehors de ton corps physique. Mais quand tu es au plafond et tu regardes ton corps physique dans le lit, dans quel corps que tu es? T'es-tu dans le corps mental? T'es-tu dans le corps astral? T'es-tu dans le corps éthérique? Puis un jour, l'homme devra savoir, devra réaliser quel corps qu'il est. Il est-tu dans le corps physique? Il est-tu dans le corps astral? Est-tu dans le corps mental? Est-tu dans le corps éthérique? Parce que si t'es dans le corps astral, puis tu commences à te donner l'impression que tu peux faire certaines choses, tu peux mourir. Il y a un lien entre le corps astral et le corps de l'homme. Tu peux mourir. Il y a des gens qui sont morts en astral quand ils sont sortis de leur corps. Il y a des lois physiques pour la petite fumée. Alors, c'est très important pour l'homme de savoir s'il est dans un véhicule éthérique ou dans un véhicule astral ou dans un véhicule mental quand il commence à vivre sa conscience extracorporelle. Mais pour qu'il comprenne, pour qu'il vive, pour qu'il sache, il faut que la conscience soit démystifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, la démystification de la conscience? La démystification de la conscience, ça veut dire que tout ce qu'on a appris, c'est pas ça. La démystification de la conscience, ça veut dire que tout ce qu'on a appris, c'est pas ça. Pourquoi? Ben, tout ce qu'on a appris fait partie de la mystification de la conscience. C'est simple. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a appris nous a été enseigné mais là vous allez dire ben oui mais si ça nous a été enseigné ça devait être bon celui qui vous enseigne et qui vous transmet quelque chose vous transmet ce que lui sait ou pense savoir. Tout d'un coup, celui qui vous enseigne seulement tant, parce qu'il ne peut pas vous en enseigner plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Automatiquement, vous allez prendre pour acquis que ce qu'il vous enseigne, c'est ça. Fait qu'il y a des gens dans le monde aujourd'hui, des maîtres dans le monde aujourd'hui, qui sont en train d'enseigner aux gens qu'est-ce que c'est faire le voyage de l'âme, qu'est-ce que c'est faire le voyage astral. Mais tout d'un coup, il y a d'autres choses. Supposons que l'homme doit savoir que dans sa conscience extracorporelle, il doit connaître autant les lois de ses principes invisibles qu'il doit connaître les lois de sa conscience corporelle. Quand vous êtes dans votre corps physique, vous savez ce que vous faites. Si tu vas chez Eaton, tu vas chez Eaton. Tu sais comment ça fonctionne, le corps physique. Tu t'en sers. Il y a une relation entre ton intelligence et ton corps physique. Mais si un jour l'homme commence à vivre une conscience extracorporelle de plus en plus longue et qu'il ne sait pas qu'il est dans tel corps ou tel corps ou tel corps, ou qu'il ne connaît pas les lois de ce corps, qui automatiquement lui empêchera de connaître les lois du monde où il est. Vous autres, vous êtes dans un corps physique, ça vous permet de connaître les lois du monde. Tu sais, tu connais les lois de la densité. Tu ne vas pas te péter la tête sur le mur. Tu connais les lois de la densité. Tu connais les lois de la gravité. Tu sais que si tu sautes d'un building, tu vas te ramasser en terre. Mais prends des drogues, là, tu ne connais plus les lois de la gravité. Là, tu sautes du building, puis tu te fracasses. C'est ça. Comment ils appellent ça? Des bad trips. Le gars, il se pense qu'il était un oiseau. Mais ce qu'il réalise pas, le gars, c'est que quand il pense qu'il est un oiseau, c'est qu'il commence à prendre conscience de son corps astral. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que la disconnexion n'est pas faite. Fait qu'il est encore dans son corps physique, il prend conscience de son corps astral, il dit « Moi, j'étais un moineau », puis il se retrouve sur le cul. Fait qu'il va venir un temps dans les années qui viennent, parce que les gens évoluent, les changements se font. Il va venir un temps où les gens vont réaliser tout d'un coup, hop, ils sont plus dans le corps physique, hop, ils sont dans d'autres choses. Puis ça va être important pour que les gens sachent dans quoi ils sont. Parce que si vous êtes dans votre corps astral, puis vous êtes dans le monde astral, et que vous ne connaissez pas les lois de ce monde-là, vous allez vous faire charrier en enfant de chienne. Vous pensez que vous vous êtes fait charrier par la civilisation humaine dans votre corps physique pendant des siècles? Vous pensez que vous vous êtes fait charrier par les philosophies et les religions? Ça, c'est de la petite bière. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes inconscient, que vous êtes niaiseux, que vous êtes ignorant, puis que vous commencez à sortir de votre ignorance? C'est de la petite bière. Un jour, vous allez réaliser que toutes vos niaiseries proviennent de ces mondes-là. Fait qu'imaginez-vous quand vous allez être dedans, vous allez avoir un party de l'heure. Les gens me parlent des sciences ésotériques, puis des sciences occultes, puis des sciences cosmiques, puis des sciences cosmiques, tout ça là. C'est bon? Je suis content pour eux autres. Mais j'avertis la population ésotérique mondiale que quand le temps va venir où du monde qui viennent de l'éther, qui viennent pas de l'astral, mais qui viennent de l'éther, vont commencer à se rapprocher de l'homme. Il va se faire des sorties de corps astral tellement fortes que les âmes qui sont dans le corps astral, qui sont dans une conscience mystifiée, vont voir ces êtres-là d'après les yeux de leur corps astral, au lieu de les voir d'après les yeux de leur corps éthérique. Puis je vais vous dire ce qui se produit quand tu vois des gens qui viennent de l'éther puis que tu es voué à travers l'astral. Ces gens deviennent des dieux. Et le pouvoir de l'homme, le pouvoir, il y a tellement peu d'intelligence dans la conscience astrale, à moins que tu sois intelligent. J'ai rien contre l'astral. Allez-y dans l'astral, amusez-vous, amenez votre lunch si vous voulez. Mais si vous allez dans l'astral, puis si vous vous conscientisez dans l'astral des années à venir, réalisez une chose, que amenez avec vous votre connexion. Si vous avez votre connexion dans l'astral, autrement dit, si le centre de votre intelligence fonctionne dans l'astral, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller dans l'astral, vous pouvez aller n'importe où. Quand tu es intelligent, tu peux aller n'importe où dans l'univers. C'est quand tu es pas intelligent que tu es mieux de te restreindre au plan physique. Quand tu es intelligent, tu peux aller n'importe où. Parce que ton intelligence va te diriger. Mais si tu vas là et que tu n'es pas intelligent, autrement dit, si tu vas dans ces plans-là, que tu es amené dans ces plans-là, ou que tu fais des expériences dans ces plans-là, et que tu as simplement la conscience de ces plans-là, comme vous autres avant, vous aviez simplement la conscience du plan physique. Vous n'étiez pas dans votre intelligence, il n'y a pas de connexion, il y en a qui ne l'ont pas encore. si vous n'avez pas l'intelligence quand vous irez dans ces plans-là, vous allez passer par des expériences qui sont pas mal troublantes ou qui peuvent être extrêmement plaisantes. Mais d'un côté ou de l'autre, vous serez prisonnier des illusions de ce monde-là. Et à la fin du cycle, lorsque l'éther va s'ouvrir à la conscience planétaire, lorsque, pour la première fois depuis l'évolution de l'homme, l'invisible va commencer à se rendre visible, vous êtes mieux de regarder l'invisible avec les yeux de votre corps éthérique, au lieu de le regarder avec les yeux de votre corps astral, parce que vous allez tout finir comme des Raël. Vous allez vous promener dans le monde comme des Melchisédek. Vous allez en faire la brume. Puis ça ne sera pas que votre expérience ne sera pas véritable. Les gens ne pourront pas dire, ben lui, il nous a conté une salade. Ce n'est pas une salade que vous allez leur conter. Vous allez être déjà dedans, la salade. Et la salade va être la composante même de votre expérience. Elle va faire partie de votre expérience et elle va être à la mesure même de la façon dont vous voyez dans l'éther à partir de l'astral. Et un homme qui voit dans l'éther à partir de l'astral, il est mieux d'être intelligent. Puis s'il est intelligent, il sort de l'astral puis il rentre dans l'éther. Mais s'il n'est pas intelligent, il reste dans l'astral puis il regarde l'éther de l'astral. Puis ça, je vais vous donner un exemple que c'est. Vous savez, quand vous allez au vu, là, on est suffisamment intelligent, sensoriellement parlant. Il n'y a pas un gars aujourd'hui qui va au vu, qui prend ça au sérieux, ce qui se passe sur le mur, hein? Mais va-t'en en Afrique, puis amène un petit nègre d'Afrique, puis amène-le au théâtre, au palais, sur Sainte-Catherine, puis laisse-moi te dire que le gars, ce qu'il va voir sur le mur, c'est réel pour lui. Fait que mets une belle petite négresse sur le mur, il va enlever ses culottes, puis il va y aller au screen. Seulement, il va arriver là, puis il va voir que c'est une petite négresse blanche. Ah, la différence, la relation, voir l'astral ou voir l'éthérique par les biais de l'astral, c'est la même chose, seulement c'est encore pire. Alors, la démystification de la conscience doit se faire sur tous les plans de la conscience humaine. Elle doit se faire sur le plan de la conscience corporelle, comme on a commencé à faire depuis le séminaire, et ensuite elle doit se faire sur le plan de la conscience astrale, puis ensuite se faire sur le plan de la conscience mentale. Pour que l'homme en arrive un jour à être suffisamment intelligent, c'est-à-dire à être capable de maintenir le courant entre son esprit et l'intelligence universelle, pour que, sur quelque plan qu'il soit, dans quelque véhicule qu'il soit, il soit tout le temps intelligent. S'il est dans son véhicule matériel, il est intelligent. S'il est dans son véhicule astral, éthérique, mental, il est intelligent. Parce que quand vous allez être dans votre véhicule astral, ça, c'est pas trop pire. Le véhicule astral, vous pouvez pas aller trop loin, vous avez pas tellement de contrôle, c'est un véhicule planétaire. Ça reste dans le coin, ça. Mais quand tu commences à te promener dans un autre véhicule, comme le véhicule mental, qui a une autre densité, qui se déplace extrêmement vite, qui peut sortir du système planétaire, du système solaire, vous êtes mieux d'avoir une carte géographique, Charlie, parce que vous allez vous perdre dans maudit. Astralement, vous n'avez pas besoin de carte, vous allez ramener automatiquement, astralement. Mais si jamais vous allez dans le mental, vous allez voir que c'est vaste. Puis quand tu perds le nord, tu perds le sud aussi. Alors, quand je dis, parce que moi, je vous prépare tout le temps, je vous explique pas tout ce que je vous dis dans le sens que je vous explique pas ce que je veux dire quand je veux dire telle chose. Je vous dis simplement telle chose. Mais je vous prépare lentement pour les années 80, 85, 90, 95, l'an 2000. Et autant vous changez, puis vous changez, puis vous changez, même si vous changez imperceptiblement, ou il y en a d'autres qui changent plus vite, il y a des changements qui se font. Mais il y en a qui vont changer plus vite que d'autres. Puis c'est ceux qui vont changer très, très, très vite, qui vont arriver un jour à réaliser et à comprendre ce que je veux dire. Puis il y en a dans la salle aujourd'hui qui sont à ce stage-là, de commencer à comprendre qu'est-ce que je veux dire quand je parle de la différence entre la conscience astrale et l'intelligence dans la conscience astrale. L'homme est un être qui ne peut pas s'auto-orienter. J'explique. Dans le monde physique, vous pouvez vous auto-orienter parce que vous avez des points de référence. Tu sais ce qu'est la toilette quand tu vas à la toilette. Mais pourquoi est-ce que tu sais où est-ce qu'est la toilette? C'est parce que quelqu'un te le dit ou parce que tu l'as vu? Mais quand tu vas dans une conscience extracorporelle, puis tu ne l'as pas vu à la toilette, tu ne sais même pas s'il y en a une toilette. Puis il n'y a personne pour te le dire, puis tu cherches. Tu peux chercher longtemps, maudit. Tu as le temps de pisser en tes culottes. Fait que rendu à ce point-là, tu as besoin d'avoir une connexion. Tu as besoin d'avoir une connexion avec ton intelligence puis de dire, bon, mais est-ce qu'elle est à la toilette? Elle va apparaître ta toilette. Tu vas être dedans. Mais si tu ne l'as pas en connexion, tu vas chercher. Sur le plan physique, c'est solide. Vous êtes bien, vous êtes assis, vous n'avez pas peur de passer à travers du plancher. Tout est solide, tout est stable, tout est équilibré entre la forme et l'espace. Mais quand vous allez aller dans ces mondes-là et que vous allez développer une très grande sensibilité vibratoire dans votre corps, quand vous allez être bien sensible, bien conscient, au début, à la fin, vous allez réaliser une chose de ce plan astral. Que s'il y a quelque chose d'instable, vibratoirement, c'est ça. C'est totalement instable, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussitôt que vous avez une crainte, vous subissez cette crainte-là. Alors, à ce moment-là, vous êtes mieux d'avoir quelqu'un qui vous dit exactement quoi faire. Parce que la relation des formes dans ces mondes-là, c'est pas comme ici. Fait que si vous avez quelqu'un pour vous dire quoi faire, autrement dit, si vous avez une connexion avec un circuit universel qui est totalement en dehors de ces mondes-là, et qui connaît ces mondes-là, et qui peut, s'il le veut, vous aider à parcourir ces mondes-là en paix, sans être troublé par le manque de stabilité, parce que les lois sont totalement différentes, à ce moment-là, vous êtes mieux d'avoir votre connexion intelligente. Mais où elle commence la connexion? Elle commence pas dans l'astral. Elle commence sur le plan physique. Ça, c'est la deuxième partie de ce que je veux dire. Les hommes dans le corps matériel doivent un jour être suffisamment intelligents pour que, éventuellement, cette intelligence se continue sur les autres plans. Sans ça, ce qui va arriver, c'est que si vous n'êtes pas intelligent ici, si vous n'avez pas votre propre intelligence ici, et si vous êtes soumis ici à des lois d'impression, qui proviennent d'intelligences qui sont sur d'autres plans, mais qui ne font pas partie de l'intelligence universelle, quand vous vous trouverez dans ces mondes-là, vous reverrez et vous verrez ces intelligences-là. Alors, vous serez dans la même relation avec ces intelligences-là que vous étiez sur le plan matériel. La seule différence, c'est que là, vous les verrez, tandis qu'ici, vous les percevez en tant qu'impression dans le mental, ce que vous appelez, vous autres, des pensées subjectives. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça se comprend-tu ce que je veux dire? Autrement dit, je veux établir qu'il y a une relativité absolue entre le plan matériel et le plan astral. Les lois sont différentes. Dans le plan physique, Qu'est-ce que j'ai dit, plan mental, je l'ai dit, le plan physique. Il y a une relativité absolue entre le plan physique et le plan astral, dans ce sens que dans le plan physique, l'homme subit les impressions dans le mental qu'il appelle des pensées subjectives, qui ne font pas partie de l'intelligence. Dans le plan astral, l'homme voit ses impressions en tant que personnalité. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes vont dans le plan astral, les gens qui s'initient à ça ou qui sont initiés à ça. Et que ce qui se passe quand ils arrivent l'autre bord, c'est qu'ils se font passer des tests. Puis ils passent des tests jusqu'à temps qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre l'illusion de ces tests-là. Une fois que le gars il est suffisamment intelligent, n'est-ce pas de dire que quand il arrive l'autre bord, il n'en passe plus de tests. Alors, c'est sur le plan matériel que se construit la conscience intelligente de l'homme et non sur le plan astral. Alors, les gens qui sont dans des écoles ésotériques, puis qui étudient, puis qui recherchent toute la patente, là, qui veulent devenir conscients, puis qui veulent évoluer, puis qui veulent devenir des saints, toute la secte, là, puis qui veulent aller en astral, là, laissez-moi vous dire que ce que vous le faites à l'envers. Vous le faites totalement à l'envers. Puis c'est pas l'astral qui va vous le dire que vous le faites à l'envers. C'est votre intelligence. Votre intelligence va vous le dire que vous le faites à l'envers, mais elle va vous le dire autant qu'elle peut vous le dire. Elle va vous mettre la puce à l'oreille. Elle va vous dire, mais peut-être c'est pas important tellement ça. Mais si dans votre tête de cochon puis dans votre tête spirituelle, vous voulez dépasser, aller au-delà de forcer la note contre l'intelligence, elle va se retirer, puis vous allez commencer à œuvrer et à faire des efforts pour vous spiritualiser, puis pour vous muter, puis vous transmuter, puis toute la patente là que vous faites dans ces écoles-là. Puis un jour, ben, vous comprendrez que ça faisait partie de votre expérience. Je ne suis pas pour vous casser le coude. Moi, je vous dis ce que je vous dis. Le reste, it's up to you. Alors, la mystification de la conscience, elle est totale, et la démystification de la conscience sera totale. Seulement, c'est pas l'homme puis sa maîtrise spirituelle, puis sa sagesse spirituelle, puis son évolution philosophique, qui va démystifier la conscience. C'est l'intelligence pure, qui canalise, qui passe en lui. Voilà, l'homme ne peut pas. Parce que l'homme est déjà prisonnier de la mystification de la conscience. Ah, c'est pas l'homme sur le plan matériel, et c'est pas l'homme dans le plan astral. C'est son intelligence qui commence à faire un trou à travers son cerveau, et qui commence à y faire voir un petit peu à travers toute la cochonnerie émotionnelle qui est en lui. Puis les pensées qui sont en lui. Il y a une sorte de monde, il y a une sorte de personnalité. Il y a des gens qui sont entêtés à être spirituels. Il y a des gens qui sont entêtés à être, sont tellement entêtés à être spirituels qu'ils sont pas capables de s'en sortir. Ils ont pas d'intelligence à eux autres. Ils ont toujours l'intelligence des autres, mais ils ont pas l'intelligence à eux autres, là, suffisamment forte en eux autres pour dire, bon, ben écoute, Jean-Paul, tu n'as plus besoin de ça. Et comme cette intelligence-là, elle n'est pas présente en eux, ils fonctionnent par sentiments. Et les sentiments, ils viennent d'où? Ils viennent de l'astral. Ils sont manipulés par qui? Par des intelligences dans l'astral qui veulent toujours maintenir sur l'homme la domination des formes par le biais des impressions causées dans le mental et dans l'émotionnel. Il n'y a quasiment rien à faire avec du monde comme ça. Autant les hommes peuvent être entêtés matériellement, philosophiquement, autant il y a des gens qui sont entêtés spirituellement. Puis ça, c'est leur corps. Puis ça, c'est parce qu'ils ont toute la chienne de manquer leur coup. Ils ont toute la chienne de manquer leur coup. Puis qu'est-ce que c'est un gars qui a la chienne de manquer son coup? C'est un gars qui a la corde au cou. Avoir la chienne de manquer son coup, c'est avoir peur de lâcher prise. C'est ça, avoir la chienne de manquer son coup. Puis il faut être très fort dans le mental, il faut être très centrique dans le mental, il faut être dans l'intelligence de plus en plus pour être capable de lâcher prise une fois pour toutes, puis arrêter d'avoir la chienne de manquer son coup. Puis il y en a du monde qui ont la chienne de manquer leur coup. Vous autres, vous ne les voyez pas toutes, mais moi, j'ai vu. L'homme ne peut pas apprendre rien par lui-même. L'homme ne peut apprendre que par l'intelligence en lui. Faut que tu parles avec ton intelligence pour apprendre quelque chose. L'homme ne peut pas apprendre par lui-même. Puis s'il ne peut pas apprendre par lui-même, il ne peut pas apprendre par les autres non plus. Il peut seulement apprendre par sa propre intelligence. Alors, sa propre intelligence va lui faire vivre certaines expériences pour qu'il apprenne, pour qu'il comprenne, ainsi de suite. Mais les gens, les hommes, ont peur de leur propre intelligence. Parce que laissez-moi vous dire que de l'intelligence, c'est pas un Christ de cadeau au début. Et les hommes ont peur de l'intelligence. Ils ont peur. Ils sont bien plus sécurisés par leur intellect, puis leur sentiment, que par leur intelligence réelle. Puis le pire, c'est que l'intelligence réelle, elle ne peut pas passer à travers de toute cette tourbe-là. Il y en a trop. Parce que quand tu passes par ton intelligence, t'es tout seul, Charlie. T'es pas avec Bernard de Montréal. T'es tout seul. T'es pas avec un maître intel, t'es tout seul. Puis les gens n'ont pas erré assez fort pour être tout seul. Ils ont mieux d'être Bernard de Montréal, mais non, ils ont mieux d'être avec un maître intel. Ça va loin de même, la stupidité de l'homme. Être près de moi et être avec moi, pas pareil. Il y a des gens qui voudraient être dans mes culottes. Il y a assez de ma femme qui est dans mes culottes. Sans en avoir d'autres. Puis encore, elle n'est pas dans mes culottes. Elle est près de moi, elle est à côté. De temps en temps, elle vient dans mes culottes. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Mais rire un petit peu. La conscience doit être totalement démystifiée. Et on est au début de la démystification de la conscience. On a fait un travail au niveau de la conscience corporelle, mais vient le temps où le travail se fera au niveau de la conscience extracorporelle. Et ce travail-là était encore plus important que l'autre. Parce que un homme qui est dans la conscience extracorporelle peut retarder son évolution. Peut retarder l'évolution des autres. Et peut avoir l'impression d'aller au-delà de la mortalité et vivre la mortalité. Il y en a bien des gens qui ont cru à l'immortalité de certains personnages dans la province de Québec, qui ont été déçus ensuite. L'homme ne doit vivre que de son intelligence à lui, et pour vivre de son intelligence à lui, il doit être totalement centré dans son intelligence. Être suffisamment fort pour se libérer des impressions mentales et émotionnelles qui viennent vers lui constamment. L'intelligence ne parle pas à l'homme comme les impressions mentales parlent à l'homme. Une communication télépathique entre l'intelligence et l'homme n'est pas pareille comme une impression télépathique ou une communication télépathique entre l'astral ou les personnalités dans l'astral et l'homme. Pas pareil. C'est pas pareil. Et je vous ai déjà expliqué un jour que c'est avec le temps qu'on réalise la différence entre une communication télépathique qui vient du mental pur et une communication télépathique qui vient de l'astral. Une communication télépathique qui vient du mental pur est réalisée par l'homme comme étant totalement personnelle à lui. Totalement personnelle. Personnel dans ce sens que c'est la même vibration qu'il avait avant la conscientisation. La pensée a la même vibration, a la même intensité, la même clarté qu'elle avait avant la conscientisation. Avec cette différence qu'on la réalise comme venant de quelque part en soi. Tandis que la communication télépathique avec l'astral nous donne l'impression qu'on est en communication avec une entité qui a une personnalité, qui a des sentiments, qui a une personnalité. La communication avec l'intelligence n'a aucune personnalité. Il n'y a pas de personnalité dedans. Et comme il n'y a pas de personnalité dedans, quand elle passe cette communication et qu'elle entre dans l'homme, elle est totalement mentale. Elle ne crée pas dans l'homme d'émotivité. Mais la communication télépathique qui vient des mondes astraux, même les plans les plus élevés de l'astral, contient toujours de l'émotivité tout le temps. Tout le temps. Émotivité spirituelle, émotivité chaleureuse, émotivité de personnalité à personnalité, émotivité d'esprit à esprit. Il y a toujours une émotivité quelconque dans la communication télépathique, dans l'intelligence pure, il n'y a pas d'émotivité. De sorte que l'homme qui vit d'intelligence pure, il n'y a pas d'émotivité. Et quand il n'y a pas d'émotivité dans l'expression de l'intelligence dans un homme qui est dans une conscience corporelle, automatiquement, ce qu'il dit devient de l'intelligence canalisée par sa bouche. Et cette vibration sert à ouvrir d'autres esprits à leur propre énergie. Quand je dis que l'homme réalisera un jour que les impressions dans son mental sont totalement astrales, ne viennent pas de l'intelligence, quand l'homme réalisera ça, là, que c'est simplement du niaisage, que l'homme n'a pas besoin d'avoir rien dans son mental, rien. L'homme, ça devrait être vide, tout le temps. Aussitôt qu'il y a quelque chose, c'est pas de l'intelligence. Et s'il y a quelque chose qui est de l'intelligence, c'est short and sweet. C'est très court, très net. La longitude d'une pensée astrale et la longitude d'une pensée qui vient de l'intelligence n'est pas la même. L'énergie de l'intelligence qui rentre dans l'homme, elle rentre par ici. L'énergie qui vient de l'astral et qui entre dans l'homme vient par ici. Alors, cette énergie-là doit être chassée pour que cette énergie-là descende et sorte par ici. Mais tant que cette énergie-là ne peut pas rentrer ici et sortir par ici parce qu'il y a quelque chose ici qui vient de l'astral, l'homme ne peut pas être dans son intelligence. Alors, automatiquement, s'il va dans si l'expérience, la conscience extracorporelle astrale, il n'aura pas de capacité de sortir de l'astral ou de rester là sous son contrôle à lui, c'est-à-dire sous la directive de sa propre intelligence. Et à ce moment-là, il commence à se faire remplir la tête de toutes sortes de choses. Je parlais hier du vampirisme des hommes. Je disais hier que tous les égos sont vampiriques et qu'il existe dans le monde du vampirisme positif puis du vampirisme négatif. La spiritualité, c'est du vampirisme positif. L'autre sorte de vampirisme est négatif, le vampirisme psychologique qu'on connaît. Mais ce que j'ai pas dit hier, c'est que le vampirisme que vit l'homme, que ce soit du vampirisme positif comme la spiritualité, ou que ce soit du vampirisme négatif qui est une déformation du caractère, provient des impressions logées dans le mental humain par des entités qui sont dans l'astral. Alors, quand on dit que les impressions que l'homme reçoit dans son mental ne le servent pas, elles servent simplement à troubler son esprit, ça va loin. Si vous n'êtes pas capable d'avoir tout le temps des pensées qui sont intelligentes, les pensées qui ne sont pas intelligentes viennent d'où? Ils viennent d'où, même pas de l'intelligence? Ils viennent d'astral. Fait qu'imaginez-vous que l'homme est bien plus astralisé qu'il s'imagine. Alors imaginez-vous que la démystification de la conscience humaine est bien plus importante qu'on s'imagine, puis qu'elle est bien plus dure à réaliser qu'on peut se l'imaginer. On en maudit des illusions. Puis je parle pas avec des illusions psychologiques. Mais au moins, quand on commence à comprendre les illusions psychologiques dans la conscience corporelle, on s'ouvre automatiquement à une conscience supérieure quand on vit la conscience extracorporel dans l'astral. Là, on devient smart. Et là, on peut commencer à bénéficier du monde astral. Puis là, c'est la première fois que je vais parler de même, parce que l'astral, je l'ai toujours démoli. J'en parle toujours d'une façon négative. Là, je vais commencer à en parler d'une façon positive. Bon, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'astral, à quoi ça sert l'astral, puis d'où ça vient l'astral, pourquoi c'est là l'astral. L'astral, c'est un monde dans lequel existent des formes. Et dans l'astral, il y a des formes qui n'ont jamais été réalisées dans la matière, et dans l'astral, il y a des formes qui ont été réalisées dans la matière. Les tables, les chaises, les vêtements, ça vient tout de l'astral. Tout part de l'astral, ça descend ici. Ce qu'on appelle la créativité, le génie inventif de l'homme. À votre cravate, ta cravate, tes lunettes, tes bas, tes chaussures, ton char, le genre de char, ça vient tout de l'astral, ça, tout ici, ça existe tout dans l'astral, ça. Dans un certain sens, ça descend ici par votre cerveau, puis éventuellement, le gars, il met du plâtre ensemble, ou il met du métal ensemble, puis il fait un moteur, puis il fait des affaires. C'est mal. Tout vient de l'astral. OK. C'est que dans l'astral existent toutes les formes qui doivent servir à l'évolution de la civilisation, et ces formes-là descendent dans le mental humain et éventuellement se concrétisent dans la matière au fur et à mesure les temps le nécessitent. Tu peux pas avoir un jet ou un F-84 en l'an 2000 avant le Christ. Il n'y aura pas de place de parquer, le gars. Hein? Bon, il y a un temps pour chaque chose. Alors, les seules choses, le bon côté de l'astral, c'est que dans l'astral existent à l'infini les formes qui doivent servir l'humanité. Mais l'homme s'en va dans une direction nouvelle. C'est-à-dire que l'homme s'en va vers une civilisation qui n'est pas sous le contrôle de l'astral. L'homme s'en va vers une civilisation qui sera sous le contrôle de l'éthérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la nouvelle évolution, il y aura deux tangentes sur la Terre. Il y aura une tangente, c'est-à-dire qu'il y aura des hommes qui continueront à inventer à partir de l'astral. Et il y aura des hommes qui commenceront à créer à partir de l'éthérique. Autrement dit, sur la Terre, simultanément, il y aura deux civilisations. Une civilisation qui sera le produit de la descente des formes astrales dans le mental humain, et il y aura une civilisation qui sera le produit de la concrétisation de l'énergie éthérique sur le plan éthérique de la Terre. Autrement dit, ce qui est dans l'astral aura servi et servira pour ce qui est dans le monde de la matière, et ce qui est dans l'éther servira pour le monde de l'éther. Et l'homme dans le monde de la matière, à cause des changements au niveau de l'évolution, à cause du contact entre l'homme et les extraterrestres, éventuellement, l'homme sur la Terre, dans la matière, sera très, très spirituel. La sixième race de l'homme sera une race très spirituelle, de sorte que les produits de l'astral, à cause du choc vibratoire qui sera créé par le contact entre l'homme et les civilisations supérieures, les produits de l'astral seront des produits suffisamment intelligents, suffisamment ordonnés pour que l'homme puisse créer une civilisation suffisamment stable. Mais l'autre civilisation, la civilisation qui sera créée dans l'éthérique, qui ne conviendra du tout avec l'astral, sera créée selon des lois qui sont totalement neuves, et cette civilisation créera des formes qui sont totalement neuves et qui ne sont pas aujourd'hui dans l'astral et que l'on ne peut pas retrouver aujourd'hui dans l'astral. Alors, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire un différentiel de conscience sur la Terre tellement grand qu'il sera obligé, qu'il sera nécessaire qu'un certain nombre d'hommes dans le monde vivent dans un état de conscience altéré presque à 100%. C'est-à-dire que ces hommes-là vivront un certain nombre d'heures dans leur corps matériel pour que le corps matériel se continue. Et le reste de leur temps, ils le vivront dans l'éther. Alors, l'homme vivra 4 heures sur le plan matériel et il vivra 20 heures dans l'éthérique. Le reste de l'humanité continuera à vivre comme ils vivent, 16 heures, 17 heures, 18 heures dans la matière, puis quelques heures dans le rêve inconscient. Et il se produira un différentiel de conscience sur la Terre qui fera que ceux qui seront dans l'éthérique auront le pouvoir de projeter à distance le corps et de s'assurer que ce qui sera fait sur le plan matériel, en vertu des forces inventives qui entreront dans le mental humain, qu'il n'y ait pas de guerre sur la planète. Autrement dit, ce qu'on peut appeler le gouvernement invisible s'occupera de maintenir de l'ordre dans le monde, parce que ces hommes auront accès à une conscience supérieure qui leur permettra d'entrer en contact avec les hommes et de corriger les abus de la conscience astrale après le choc culturel mondial qui résultera de la pénétration dans notre atmosphère des civilisations qui viennent d'autres espaces. Ça, c'est le tableau que je vais faire de fond. Maintenant, je vais élucider le tableau. Je veux dire que dans le monde, dans différentes nations, se réuniront dans un temps quelconque un certain nombre d'hommes et de femmes qui seront, à cause de leur niveau de conscience, marqués pour connaître l'éther, c'est-à-dire marqués pour vivre plus longtemps en dehors de leur corps matériel que de leur corps physique. En dehors de leur corps physique que dans leur corps physique. C'est ce que j'ai dit? En tout cas, ça je veux dire. Et ces gens-là qui vivront plus dans leur corps éthérique que dans leur corps physique se rencontreront avec une très grande facilité sur le plan éthérique, de sorte qu'en un temps très court, tous ces hommes qui sont quelque soit, qu'ils soient n'importe où dans le monde, se rencontreront. Et se rencontrant, ils sauront où ils doivent aller vivre dans leur corps physique quelque part sur la planète, et ces gens commenceront à vivre et à créer une civilisation nouvelle dans des conditions qui sont totalement occultes aujourd'hui. Le reste de l'humanité qui se spiritualise et qui évolue vers une conscience de plus en plus spirituelle vivra ce que vous appelez vous autres l'âge d'or, ou ce que les gens appellent l'âge d'or. Les gens connaîtront l'âge d'or, c'est-à-dire que les gens connaîtront une paix mondiale où il y aura suffisamment d'harmonie entre les hommes, mais ces gens seront obligés à un certain moment donné, je vous le dirai plus tard. Ah, oh, je ne peux pas vous le dire. En c'est pas important. Alors, ces gens seront obligés, je vous dirai plus tard. La raison pour laquelle je parle de la démystification de la conscience, c'est pour séparer ces deux groupes-là. Il faut qu'il y ait une séparation éventuellement dans le temps, au cours de la prochaine génération, une séparation vibratoire qui soit faite entre ceux qui iront vers l'éther et ceux qui iront vers le développement d'une très grande conscience spirituelle, autrement dit, une séparation qui doit exister entre ceux qui appartiendront à l'âge d'or et ceux qui appartiendront au gouvernement invisible. Et la façon qui sera employée pour séparer les deux groupes, cette façon sera faite en relation avec l'instruction mondiale. L'instruction mondiale est extrêmement précise. C'est une science parfaite de l'intelligence sur la Terre, et c'est une science infinie, et c'est une science qui se développe au fur et à mesure que la conscience de l'homme se développe, et c'est une science qui s'ajuste proportionnellement et graduellement au fur et à mesure que la conscience de l'homme prend expansion, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'homme vit de plus en plus dans une conscience extracorporelle, soit astrale consciente ou soit astrale intelligente. Alors, tout le matériel de l'instruction conviendra aux deux groupes. Le matériel d'instruction conviendra à ceux qui se spiritualisent, et le matériel d'instruction conviendra à ceux qui iront au-delà de la spiritualité, entreront dans l'intelligence de la conscience astrale pour éventuellement avoir les outils nécessaires et l'orientation essentielle pour entrer dans la conscience éthérique qui est totalement inhabitée aujourd'hui. Parce que l'homme qui entre dans la conscience éthérique doit savoir où il va, où il est, doit se réaliser, doit comprendre son monde. Et je vous dis, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que la conscience éthérique planétaire est inhabitée. Alors, les gens qui ont lu des livres ésotériques et qui ont lu dans des livres que les maîtres se promènent, qui sont dans les terres, ça fait partie de votre propre expérience. J'ai aucun intérêt et j'ai aucune intention de changer vos idées. Je fonctionne pas de même. Moi, je vous parle. Mais j'établis que la conscience éthérique planétaire est totalement inhabitée aujourd'hui. Et lorsque la conscience éthérique, l'espace éthérique sera habité par l'homme, la conscience astrale danse, ou les corps astraux dansent, qui se manifestent dans le monde et qui se sont manifestés dans le passé, ne pourront pas entrer dans cet espace éthérique. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un homme peut voir un homme sur un autre plan vibratoire suffisamment dense pour que ses yeux puissent l'approcher, que cet homme est dans l'éther. Ce que je veux établir, c'est que cet homme peut être très bien dans l'astral, et vous pouvez très bien le voir dans l'astral lorsqu'il est dans une condition qui le permet. Il n'est pas nécessairement sur le plan éthérique. Et si je vous dis que le plan éthérique est inhabité, je vous le dis pour des raisons que vous comprendrez éventuellement, parce que j'ai des choses à vous expliquer en fonction de la démystification de la conscience astrale et en vertu de l'explication des lois de l'intelligence de la conscience astrale pour que l'homme comprenne et sache exactement quoi faire quand il commencera à sortir de son corps matériel pour réellement entrer et commencer à toucher la réalité du monde éthérique. Et si vous, et si les hommes ont l'illusion, ont trop d'illusions concernant la, les, le, la conscience astrale, ils croiront qu'ils sont dans la conscience éthérique. Et un homme qui est dans la conscience astrale et qui se croit dans la conscience éthérique, éventuellement doit être avisé de son erreur. Et ça, c'est une des raisons pourquoi l'instruction doit être donnée à l'homme pour que la démystification de la conscience corporelle, extracorporelle astrale, soit totale. Et elle sera faite des années, des mois qui viennent. Il y a eu dans le passé des études qui ont été faites par des gens qui sont allés dans l'astral, des gens qui ont reçu de l'information, des gens qui ont pénétré des domaines de la connaissance. Et ces gens qui ont pénétré les domaines de la connaissance ésotérique ont écrit des livres qui ont servi à l'évolution de l'humanité. Très beaux livres. Mais ce que l'homme apprendra dans les générations et dans les siècles qui viennent, c'est que les expériences et les connaissances de l'humanité dans le passé sont des expériences qui ont survécu à l'Atlantide. C'est-à-dire que ce sont des expériences qui ont été directement en relation vibratoire avec les Atlantes. C'est-à-dire que l'Atlante demeure dans la conscience de l'humanité, et parce que la mémoire des Atlantes demeure dans la conscience de l'humanité, le plan astral existe dans la conscience extracorporelle de l'homme. La séparation dans la conscience extracorporelle de l'homme entre le plan astral et le plan éthérique se fera lorsque l'homme ne sera plus en contact avec la mémoire de l'Atlantide et que l'homme commencera à être en contact avec une mémoire qui n'est pas atlantéenne, c'est-à-dire avec une mémoire qui n'est pas le produit du développement de la conscience astrale de l'humanité qui a marqué le cycle de l'Atlantide. Et pour que ceci se fasse, il faut qu'éventuellement l'homme entre en contact avec une autre conscience qui est extrasolaire, qui ne vient pas de notre système, qui est extrasystémique. Et cette conscience, n'ayant pas de relation avec la mémoire de l'éther de la planète, la mémoire de l'astral de la planète, la mémoire du mental inférieur de la planète, le contact entre l'homme et ses intelligences permettra à l'homme pour la première fois d'entrer directement dans la conscience éthérique et de ne pas avoir à apporter avec lui la mémoire des anciennes races de la Terre. De sorte que l'homme qui entrera dans la conscience extracorporelle éthérique sera un homme totalement créateur. C'est-à-dire que ce sera un homme qui sera en connexion vibratoire avec des intelligences qui font partie des circuits universels qui sont extérieurs à notre système, à nous. Et notre système à nous, c'est le système solaire. Et le système solaire ne peut plus amplifier dans la conscience humaine les vibrations de la mémoire collective de l'âme de l'humanité, parce que les vibrations collectives de l'âme de l'humanité ont servi au passé de l'humanité, et l'homme de demain doit entrer en contact avec des intelligences qui sont totalement extrasystémiques pour qu'il existe et qu'il soit établi entre notre système et la galaxie un gouvernement invisible, mais interplanétaire. Alors, il y a énormément de raisons pour lesquelles l'homme aujourd'hui doit commencer à comprendre la convention des consciences humaines, la convention de sa conscience humaine, la convention de la conscience astrale de l'homme. Et l'homme doit réaliser que dans le rêve, bon, je ne parlerai pas du rêve parce que le rêve c'est encore trop inférieur, mais je vais parler des gens qui vont dans l'astral, les gens qui sont suffisamment éveillés en l'astral comme ils sont suffisamment éveillés dans la matière. Je parle à ces gens-là. Et les gens qui sont suffisamment éveillés, c'est-à-dire que les gens qui ont suffisamment conscience des impressions qui se logent dans leur mental, doivent comprendre une fois pour toutes qu'aucune impression qui se loge dans le mental humain n'est extrasystémique. Et un jour, les hommes qui passeront dans l'éther ne devront vivre dans le mental que d'impressions qui sont extrasystémiques, c'est-à-dire que d'impressions qui ne sont aucunement liées à les mémoires de l'humanité. Et quand je parle de la mémoire de l'humanité, je ne parle pas simplement de la mémoire consciente corporelle de l'humanité, mais je parle de la mémoire extracorporelle consciente de l'humanité qui est le monde astral. Autrement dit, je dis que demain, les gens, les hommes qui entreront dans la conscience éthérique, qui prendront conscience de l'intelligence dans la conscience astrale, qui est le début de la pénétration de la conscience éthérique, seront obligés de ne plus vivre de les mémoires de l'humanité. Ceci veut dire qu'ils seront obligés de vivre des impressions dans le mental qui sont totalement extra-systémiques, c'est-à-dire des impressions qui ne font pas partie du possible humain. Alors, le possible humain, c'est fait partie de la convention de la conscience corporelle inconsciente ou consciente, fait partie de la convention de la conscience extracorporelle inconsciente ou consciente. Autrement dit, l'impression extra-systémique qui entre de la mental humain neutralise la vibration de l'impression astrale dans la conscience humaine inconsciente ou de l'impression astrale dans la conscience humaine astrale consciente ou inconsciente. Alors, un homme qui vit dans l'impression d'une conscience qui est extra-systémique n'appartient plus à l'humanité, ni sur le plan vibratoire humain, physique, ni sur le plan vital, ni sur le plan astral, ni sur le plan mental. Cet homme est sur-homme. Qu'est-ce que ça veut dire, être sur-homme? Être sur-homme, ça veut dire que viendra un moment dans le temps, dans les générations, où cet homme, à cause des changements vibratoires, perdra complètement la notion de sa personnalité, il perdra complètement la notion de la mémoire, il perdra complètement la notion de la connaissance, il perdra complètement l'intérêt à la connaissance, il perdra complètement l'amour de la connaissance, il ne lui restera que l'amour de parler. Et l'amour de parler sera le canal qui permettra à l'impression extra-systémique de lentement se faufiler au fur et à mesure que s'ajustera le corps mental, le corps émotionnel, le corps vital et le corps physique. De sorte que, demain, dans la génération des hommes qui viendront, l'amour de parler sera le canal qui uniront dans le monde les hommes sur le plan matériel, qui vont vers l'éther, et cet amour de parler cessera lorsque ces hommes entreront dans l'éther, et à ce moment-là, ils ne vivront que par communication télépathique instantanée. Ce que je veux dire, c'est que plus l'homme avance dans la conscience, plus l'homme avance dans son intelligence, plus il est forcé, plus il sera forcé par l'énergie de mettre de côté son intérêt humain pour développer simplement de l'intelligence pure. L'intérêt humain est une facette des impressions créées par l'astral sur le plan humain, dans le mental et dans l'émotionnel. La destruction de l'intérêt humain éventuellement délèvera dans l'homme des forces, dégagera dans l'homme des forces qui s'augmenteront, qui augmenteront, qui s'amplifieront et qui éventuellement uniront tous ces principes et qui éventuellement lui permettront d'avoir accès à la conscience éthérique qui est une conscience extra-systémique. Et c'est lorsque l'homme aura conscience extra-systémique qu'il pourra travailler avec les intelligences ou les races supérieures qui évoluent dans cet état et qui appartiennent à différentes planètes de la galaxie. Tu as un petit cendrier, je t'ai pas brûlé. Alors, c'est très important pour l'homme de comprendre la loi de la convention de la connaissance. La loi de la convention de la connaissance sur le plan humain, qui relève des impressions mises dans le cerveau de tous les hommes pour l'accumulation d'une mémoire qui devient pour l'homme de la connaissance, et la convention de la connaissance qui ressort de l'expérience dans l'astral, lorsque l'homme va dans l'astral d'une façon consciente. Et les deux conventions, sur le plan de la conscience corporelle, comme sur le plan de la conscience extracorporelle astrale, doivent être éventuellement comprises. Comprises dans ce sens que les conventions sont des conventions et que les conventions ne font pas partie de l'intelligence. Et tant que l'homme ne sera pas suffisamment circuité à son intelligence, il ne pourra pas comprendre parfaitement les conventions sur le plan de la conscience corporelle, il ne pourra pas comprendre ou il comprendra encore moins les conventions de la conscience consciente sur les plans extracorporels astraux, et automatiquement, il sera incapable de se libérer une fois pour toutes des effets astraux sur sa conscience astrale ou sur sa conscience physique.

et animal humain dans notre société, et nous retrouverons aussi son opposé, une très forte spiritualité qui touchera éventuellement le fanatisme. Je demande une chose. Je demande que les gens qui viennent dans la salle ici et qui écoutent mes propos n'écrivent pas mes propos parce que je ne veux pas que mes propos sortent de la salle. Je garde le droit sur ce que je dis et je le garderai toujours le droit sur ce que je dis. Et je ne veux pas que les gens prennent mon droit et l'amènent à l'extérieur, ils l'interprètent et le parlent à l'extérieur même s'ils ont de bonnes raisons. Je ne parle pas pour qu'il y ait une mémoire. La mémoire, elle est mécanique, elle est là. Elle servira aux gens plus tard. Elle est à vous. Mais ce que je fais dans la salle, si je dois me donner une liberté de parole dans la salle, et si je tourne ma tête et je vois des gens qui écrivent ce que je dis, à ce moment-là, mes vibrations changent et ma liberté de parole diminue et automatiquement, les gens dans la salle perdent du matériel que je pourrais dire. Alors, si vous écrivez dans la salle, vous enlevez aux gens dans la salle la capacité d'absorber ou de recevoir de l'information parce que je fonctionne par vibration. Et si je vois quelqu'un qui écrit, si je vois quelqu'un qui enregistre mes conversations, ma vibration tombe et automatiquement je ne parle plus comme j'aurais pu parler. Alors, vous devez de ne pas enlever aux autres ce qui leur est dû. Dans les lois de la Convention, dans les lois de l'extériorisation de l'intelligence de l'homme, il y a deux principes fondamentaux. Un de ces principes, c'est ceci. C'est que l'homme, un jour, doit être suffisamment dans l'énergie pour que son intelligence puisse faire vibrer son corps mental, son corps émotionnel, son corps vital et son corps physique, afin que cet homme, à un certain moment donné de sa vie, de l'évolution de la Terre, puisse se servir de ses principes en intelligence, c'est-à-dire puisse se servir de ses principes sur le plan de ce que j'appelle la conscience atomique. Et chaque corps de l'homme, chaque principe de l'homme est une conscience atomique. Le corps matériel, c'est une conscience atomique extrêmement dense. Le corps éthérique, c'est une conscience atomique. Le corps astral, le corps mental, ce sont tous des consciences atomiques. Et chaque conscience atomique convient, correspond à un univers en particulier. Alors, la conscience atomique solide de l'homme coïncide avec l'univers matériel que nous connaissons, les planètes, les galaxies solides matérielles. Le corps éthérique est une conscience atomique qui convient aussi et qui correspond à un univers aussi, et le corps astral et le corps mental. Et l'homme, un jour, doit pouvoir avoir accès à tous ces univers, mais en pleine intelligence. Et pour qu'il ait accès à ces univers en pleine intelligence, il ne faut pas qu'il soit lié par une convention seulement. Et l'homme aujourd'hui est lié à une convention seulement, et c'est la convention de la mémoire de l'humanité qui fait partie de la conscience vibratoire du monde astral. Et j'ai objection à ce que l'homme ne vive que d'une conscience ou qu'il ne vive que d'une convention parce que je sais que toutes les conventions qui existent, les conventions sur le plan matériel que nous avons codifiées en tant que science cartésienne, les conventions qui existent sur les autres plans, ainsi de suite, toutes les conventions de l'homme ou toutes les conventions de l'intelligence sur différents plans de la réalité sont ce qu'on appelle Dieu. Alors, si on me demande qu'est-ce que c'est Bernard Dieu, je vous dirai que Dieu, c'est la convention dite ou inédite de la réalité d'un monde et d'un autre monde et d'un autre monde et d'un autre monde et d'un autre monde. Autrement dit, je dis que si ou quand l'homme connaîtra toutes les lois du monde matériel, autrement dit qu'il aura accès parfaitement à la conscience atomique du plan matériel, lorsque l'homme aura parfaitement conscience du plan éthérique, du plan astral, du plan mental et des autres plans. Lorsque l'homme connaîtra les conventions de tous les plans qui font partie de lui, l'homme connaîtra, saura ce que veut dire Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a été divisé en 7 parties. Et seulement une partie convient à l'intelligence humaine, et c'est la convention du monde astral. Autrement dit, ce que nous appelons Dieu dans le monde matériel de notre expérience fait partie de la convention qui est établie sur l'esprit de l'homme ou à l'intérieur de l'esprit de l'homme à cause de son affinité, de son contact avec la mémoire astrale. Alors, tout ce que l'homme sait aujourd'hui de Dieu fait partie d'une convention astrale qui lui est imposée par télépathie dans son mental. Et sur sept principes, autrement dit sur sept conventions, autrement dit sur sept lois cosmiques de fond, l'homme n'en réalise qu'une. Et celle qu'il réalise est imparfaite parce que pour qu'un homme comprenne parfaitement une convention, il doit comprendre les sept. La raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est pour imprimer dans votre esprit, une fois pour toutes, la réalisation ou le fait qui un jour sera réalisé dans votre expérience, à cause des changements vibratoires, que la connaissance est une illusion, et que la recherche de la connaissance est une illusion, et que tout ce que l'homme fait pour développer de la connaissance, pour se rapprocher de la connaissance, l'éloigne de lui-même, c'est-à-dire l'éloigne de sa propre intelligence. Et ceci, je ne peux pas dire que ceci c'est grave, parce que tous les hommes évoluent, tous les hommes apprennent, mais ceci est délicat, très délicat, non pas seulement pour l'humanité en général, mais pour les individus. C'est pour ça que je dis, et je sais, que très peu d'individus dans l'humanité entière, venant de différentes nations, pourront passer de la matière à l'éther. Beaucoup iront vers le spirituel, conviendront de plus en plus avec une plus haute conscience spirituelle, mais un très très faible nombre pourront passer à l'éthérique. Pour que l'homme détruise, pour que l'homme soit au-dessus de, au-delà des conventions de la connaissance, il faut qu'il soit dans son intelligence. Et son intelligence n'est pas sienne, c'est-à-dire que son intelligence n'est pas réflexive, son intelligence est purement et totalement créative. Elle communique ce qu'elle doit, mais demeure à l'homme de pouvoir absorber cette énergie pour qu'il y ait en lui transmutation mentale ou émotionnelle ou autre. Alors, les hommes ont envers eux-mêmes la responsabilité d'évoluer, mais ils n'ont pas envers eux-mêmes la capacité de le faire. Et il y a nuance. Quand je dis que les hommes ont envers eux-mêmes la responsabilité d'évoluer, je dis que les hommes ont le droit à l'information qui est canalisée pour l'évolution de l'homme. Alors, les hommes ont le droit dans le monde de savoir. L'instruction mondiale fait partie de ce droit que l'homme a de savoir. Mais d'un autre côté, ce droit que l'homme a de savoir ne justifie en aucune façon sa capacité d'évoluer dans une vie au-delà des conventions de la connaissance. Parce qu'il y a chez les hommes beaucoup d'insécurité, beaucoup d'anxiété, beaucoup de crainte. Autrement dit, la contamination astrale chez l'homme est très profonde et beaucoup d'hommes sont entêtés dans leur astralité. Beaucoup d'hommes sont têtus contre l'intelligence en eux, et c'est l'entêtement de l'homme qui bloquera le contact avec l'intelligence pure. L'entêtement, dans le sens dont je l'emploie, est une condition psychologique de l'homme qui est fondée sur le désespoir de l'âme. L'entêtement, c'est une condition cosmique dans l'homme qui fait que l'âme ne veut pas lâcher prise avec l'homme. Et comme l'âme ne veut pas lâcher prise avec l'homme, l'homme, lui, sur le plan humain, à son insu, vit ce que j'appelle l'entêtement. Tout ce qui est astral dans l'homme ne veut pas lâcher prise sur l'homme parce que l'astral, les personnalités dans l'astral, se nourrissent de l'homme. Et l'homme, automatiquement, vit sur le plan matériel un entêtement. Mais il y a une réponse à tout. Et c'est ceci. C'est que l'homme qui se sait entêté doit d'abord le réaliser, se l'admettre, chercher pourquoi il l'est, et chercher à comprendre pourquoi il l'est, et non pas rationaliser pourquoi il l'est. Et dans ce processus, il tuera en lui l'entêtement et il commencera à être intelligent. Et laissez-moi vous dire que l'entêtement dont je parle, ce n'est pas l'entêtement nécessairement que l'on connaît sur le plan psychologique humain, dans l'expérience humaine. Il y a un autre niveau d'entêtement qui est plus subtil, qui fait partie de la même chose, mais qui est beaucoup plus subtil. C'est un entêtement spirituel. Et l'entêtement spirituel pour un homme qui est conscient, qui est dans l'intelligence, devient une chose extrêmement évidente pour lui. Et je vois souvent des gens qui sont entêtés spirituellement. Je ne fais pas de remarques parce que je n'ai pas de remarques à faire, mais je sais qu'ils sont entêtés spirituellement. Et ce qui se produit, c'est que lorsque les gens sont trop entêtés spirituellement, ceux qui peuvent les aider éventuellement reculent devant eux et vont dans une autre direction. Parce qu'un homme qui avance dans l'intelligence, qui est de plus en plus dans l'énergie de l'intelligence, ne peut plus perdre d'énergie parce qu'il est automatiquement fatigué dans la matière. Et éventuellement, ils perdent de la tolérance à l'entêtement spirituel. Et beaucoup d'hommes et de femmes ont de l'entêtement spirituel. Et je vous assure que l'entêtement spirituel est le point de la forme Y où se séparent les êtres spirituels de la sixième race et ceux qui passeront dans l'éthérique. C'est là que se fera la division. Et cette division se fera par elle-même, elle ne se fera pas de l'extérieur, il n'y aura pas de force extérieure qui la feront, cette division. Les hommes chercheront, trouveront leur propre chemin. Les lois de l'entêtement, les lois psychologiques de l'entêtement doivent être élevées devant les yeux de l'homme pour que l'homme comprenne. C'est pourquoi il y a sur le globe un centre d'informations qui puissent donner à l'homme de l'information précise sur les mécanismes extrêmement subtils de la psychologie humaine vis-à-vis l'intellect ou la philosophie ou vis-à-vis la spiritualité. L'homme doit comprendre tous les mécanismes de sa personnalité qui risquent de la faire aller dans un chemin plutôt que dans l'autre. Et l'entêtement est un avenue, un grand avenue. Et dans cette avenue, il y aura énormément de gens et c'est le long de cette avenue que ces gens iront avec le temps, les années. L'homme ira dans la route qui convient à sa nature. L'homme ira dans la route qui convient à son intelligence. Il ira dans la route qui convient à tout ce qui coïncide avec une personnalité plus ou moins ouverte à l'infinité et non à la convention de la connaissance telle que le voudraient près de lui son cœur et son âme. Je vous avertis. Il viendra un certain moment dans, au cours des années où les gens qui seront dans une voie plutôt que dans l'autre, bien que ce soit deux voies positives, il viendra un moment au cours des années où la séparation sera remarquable, remarquable. Et déjà cette séparation, elle existe aujourd'hui, même dans la salle, elle se fait cette séparation. Et au cours des années qui viendront, elle sera encore plus marquante parce que plus les années passeront, plus les entêtés s'entêteront et plus ceux qui vont vers l'intelligence ou plus ceux qui doivent être dans l'énergie de cette intelligence sembleront extrêmement limpides, relax, non tendus, totalement vibrants de cette énergie. Et la séparation sera marquante. C'est très important pour l'homme de comprendre les conventions de la connaissance et d'aller au-delà de ces conventions et d'expliquer les mécanismes de ces conventions sur son esprit. Parce que l'esprit de l'homme n'est pas en puissance aujourd'hui. Il est encore dominé par les forces du mal planétaire, à l'insu de sa personnalité, à l'insu de son regard et à l'insu de son intelligence. Ce n'est pas par la prière que l'homme sauvera la terre. Parce que la prière fait partie des conventions de la connaissance. La terre sera sauvée par la conscientisation de l'homme. Et ce n'est pas la terre physique matérielle qui sera sauvée. Les années passent très vite, vous savez. On a beau parler dans les prophéties des événements futurs, mais on ne parle pas de la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. J'ai déjà dit que les événements cosmiques, les événements viendront derrière la voile de l'humanité. L'homme ne verra pas ce qui vient vers lui. Ce qu'il verra sera simplement un aspect général, mais l'aspect particulier, l'homme ne verra pas. Tout lui sera caché, parce que l'astral ne connaît pas les plans, les lois, l'avenir du mental. Beaucoup ont été surpris par le conflit entre l'Argentine et la Grande-Bretagne. Qui aurait pensé l'an dernier qu'au mois de mai, mars, la Grande-Bretagne aurait des vaisseaux dans le sud. Et les hommes sont loin de comprendre pourquoi le conflit entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. Alors, les événements, le monde, les choses avancent. L'homme avance inexorablement et l'homme doit entrer dans une intelligence qui est libre des conventions et lorsqu'il sera en dehors de ces conventions, il commencera à comprendre énormément de choses. Ce n'est pas la condition psychologique et spirituelle de l'homme qui sauvera la Terre, c'est la conscience de l'homme qui le projettera dans une autre dimension. Alors, l'homme ne peut plus s'assurer émotivement ou psychologiquement de ce qui a été dit dans le passé. L'homme ne peut pas être assuré par ce qui a été mis dans son esprit selon les lois de la convention de la connaissance qui est percutée à partir de l'astral envers son mental humain. La sécurité de l'homme de demain sera dans son intelligence et non pas dans son attitude spirituelle ou dans son attitude évangéliste ou dans son attitude monastique ou mystique. Un monsieur me disait cet après-midi combien il a trouvé la période de cette semaine difficile. Et moi, je lui ai dit, vous devez en arriver un jour à ne plus être décourageable. Il a compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire en arriver un jour à ne plus être décourageable? Ça veut dire en arriver un jour à être libre des conventions de la connaissance, à être libre des conventions des pensées qui viennent dans le mental humain et à être totalement dans son intelligence. Un homme qui est dans son intelligence n'est pas décourageable, quelle que soit la condition matérielle du plan où il vit. Alors, ceux qui ont tendance à se décourager ont à comprendre ce que je dis. Parce que le découragement, c'est l'influence astrale sur l'homme par le biais de ses émotions et de son intellect. Et l'homme doit en venir un jour à être tellement centré dans son mental, tellement centré dans son intelligence, qu'il devient par le fait même un roc. Et ce roc ne peut pas être épuisé par l'érosion de la souffrance. À ce moment-là seul, l'homme sera libre de la condition planétaire, et à ce moment-là seul, l'homme sera prêt à faire face à des conditions de vie qui épouvanteraient le plus grand spiritualiste ou le plus grand occultiste d'aujourd'hui qui n'est pas en dehors de la convention de la connaissance. Alors, les hommes doivent se préparer lentement à comprendre et à réaliser que les vertus de leur savoir, les vertus de leur connaissance, les vertus de leur expérience ne sont que des vertus et que ces vertus conviennent à leur humanité émotive et mentale, c'est-à-dire conviennent à leur subjectivité psychologique et que demain, ils ne pourront pas vivre de ces vertus parce que demain, les vertus les plus grandes seront les plus grands des défauts. Je ne cherche pas à amener trop vite l'homme dans la conscience psychologique de son avenir, mais je dois faire avancer l'homme petit à petit dans la réalisation vibratoire de l'intelligence que je canalise pour que l'homme puisse sentir un peu de réflexion vibratoire dans son mental et dans son émotionnel. Il faut qu'il y ait un peu de choc créé vibratoirement sur ces plans parce que l'homme ne peut pas évoluer sans choc. Il est impossible à une race, il est impossible à un plan d'évoluer sans qu'il y ait un choc, c'est-à-dire sans qu'il y ait une impulsion de plus haute vibration qui vienne troubler un peu le lac, un peu plus calme d'une vibration inférieure qui a servi dans le passé de cette race. Et je ne suis pas le premier qui parle ainsi, je sais que Gurdjieff, le soufi que certains connaissent, a très bien élaboré pendant les années 25 et 30 et à la fin des années 40 les lois lunaires concernant la relation entre l'homme sur la Terre et cette planète et a très bien élaboré les lois des octaves qui étaient des lois d'énergie qui convenaient et qui prenaient en considération la nécessité d'établir entre certaines notes de cette gamme, un choc vibratoire pour que s'élève la conscience de l'homme. Entre le mi et le fa, il y a un choc vibratoire. Il y a un changement de note. Il y a une dièse, comme on dit dans le langage musical. Et c'est la même chose sur le plan de l'homme. Les lois sont cosmiques, les lois sont universelles, elles descendent sur tous les plans et elles sont parfaitement harmonisées dans la descente pyramidale. Du plus haut point de l'organisation de l'énergie vers les plus bas points de l'organisation de cette même énergie. L'homme doit comprendre ses lois. La façon que ces lois sont expliquées, en tout cas dans ma personne, sont simples. Elles sont expliquées dans un langage psychologique qui convient à un esprit plus moins philosophique, si vous voulez, que les gens que rencontrait Gurdjieff au XXe siècle. Mais ça revient toujours à la même chose. Un homme doit subir un choc vibratoire sur un centre, sur un plan, pour qu'il évolue. Et quand je dis que les gens qui sont entêtés dans leur spiritualité, qu'ils tiennent mordicus à leur spiritualité et à leur forme, un jour subiront un choc. Et ce choc les fera avancer, mais il sera peut-être trop tard pour eux dans cette vie de connaître l'éthérique. L'homme de demain, avec les impulsions aujourd'hui qui descendent sur la terre, et je parle des impulsions qui descendent sur la terre sur le plan matériel, imaginez-vous les impulsions qui descendent sur la terre sur le plan éthérique, l'homme de demain qui vivra ses impressions, qui vivra ses changements vibratoires, qui vivra cette réalité, ne pourra plus retourner en arrière et se servir des anciennes conventions pour comprendre ce qui se passe dans l'instantanéité de sa conscience. Alors, je vous parle à tous comme un ami, je vous explique à tous comme un ami, je vous dis à tous que je suis un ami de l'homme, mais que je ne peux pas sympathiser avec les conditions psychologiques de l'homme qui sont le résultat de la pénétration des forces astrales dans sa conscience humaine. Alors, s'il y a pénétration de la conscience astrale chez l'homme, je suis forcé, de par la nature de l'intelligence que je véhicule, d'expliquer à l'homme les lois de ce passage pour que lui prenne en conséquence ou en raison ce que je dis, pour lui permettre éventuellement d'en arriver à être suffisamment bien dans sa peau pour ne plus avoir besoin des conventions qui ont nourri dans le passé l'humanité, mais qui demain ne peuvent plus le nourrir, parce que demain l'homme doit se nourrir de lui-même. Autant je suis un homme seul dans mon expérience, autant vous êtes des êtres seuls dans la vôtre. Mais il peut s'établir un lien, une connexion entre votre expérience et la mienne. Et si connexion il y a, tant mieux. Si connexion il y aura, tant mieux. Mais un jour, il vous sera forcé, de par votre propre expérience, de par l'évolution personnelle, de par les événements dans le monde, de bien vivre ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que même si je ne peux pas aujourd'hui vous donner de preuves pour soutenir votre psychologie corporelle, demain, vous aurez besoin de preuves pour soutenir votre psychologie extracorporelle et ces preuves viendront de vous-même. C'est de vous-même que vous comprendrez ce que vous êtes, que vous comprendrez vos expériences, que vous comprendrez vos illusions, que vous comprendrez votre réalité et que, éventuellement, vous me comprendrez. Et si un jour vous me comprenez, à ce moment-là, nous continuerons ensemble à un autre niveau, dans une autre étape. Parce que l'intelligence ne peut plus être refoulée de la planète. Et comme l'intelligence ne peut plus être refoulée de la planète, les changements vibratoires dans l'homme, ceux qui sont frappés un peu par cette énergie ne peuvent plus non plus s'arrêter. Alors viendra le point dans votre vie, que ce soit dans 5 ans ou 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Et souvent le point vient lorsque l'homme est acculé au mur. Viendra le point dans votre vie où votre conscience deviendra instantanément intelligente. Et lorsque votre conscience sera instantanément intelligente, vous n'aurez plus besoin d'être conscient. Vous ne chercherez plus de la conscience. Vous ne chercherez plus à évoluer. Vous vous occuperez de ce que vous faites sur le plan matériel. Vous vous occuperez de ce que vous ferez sur d'autres plans, ainsi de suite. Et il n'y aura plus de séparation entre votre vrai moi et votre moi que vous connaissez dans la matière. Je veux terminer cette conférence sur le point extrêmement essentiel de comprendre et de reconnaître l'effet que crée dans la psychologie de l'homme, contre son intelligence, ce que j'appelle l'entêtement spirituel. Alors, ceux qui sont entêtés spirituellement, ceux qui continuent à vouloir s'accrocher à des formes pour quelque raison que ce soit, ces gens-là ont besoin de se nourrir d'eux-mêmes et d'en arriver éventuellement à pouvoir concrétiser dans leur expérience ce qu'ils sont au lieu d'élever à la mémoire ce que d'autres leur auront dit ou d'autres leur auront soufflé pour quelque raison que ce soit. L'homme ne peut plus se permettre de croire et tous vous diront que vous devez croire.